Chapitre 8e, l'affaire d'honneur. Un dernier incident devait couronner cette journée si pleine d'aventures. Luc était rentré, et René allait gagner son auberge lorsqu'apparut dans l'ombre un inconnu porteur d'un pied de moustache, d'une figure de potence, d'une énorme rapière et d'une lettre cachetée de rouge. « Monsieur Luc Trouin n'est-il pas de retour ?» demanda ce messager rébarbatif en se posant sur la hanche. René pressentit une méchante affaire et répondit bravement « C'est moi ». « Voilà donc ma commission faite, » reprit l'inconnu qui remit la lettre. René pria un passant d'arrêter sa lanterne et lut ce qui suit. « Monsieur Luc Trouin de la Barvinet, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais j'apprends d'aventure que vous avez la prétention d'épouser Mademoiselle Marie-Ange Bernard. Ayant distingué cette demoiselle à la dernière foire de Dinan, je vous fais savoir que je désire me couper un continent la gorge avec vous, et que demain, jour de Mardi Gras, je me rendrai à cet effet à Saint-Malo, où je vous somme de m'indiquer un rendez-vous. Sur ce, Dieu vous ait en sa sainte garde, le chevalier Alcide de la Briantais. » « Demain, soit, » repartit René sans hésitation, « au pied du vieux rempart, à 7 heures du soir. Je serai exact. Portez-en l'assurance à monsieur de la Briantais. » Le messager parut surpris de la fermeté de cette réponse et s'éloigna en répétant « À demain !» Le premier spadassin de Dinan, murmura notre héros en continuant sa route. « Quel bonheur que je me sois trouvé là pour me faire tuer à la place de ce cher Luc !»